شراكم واش الاحوال؟ جينا نسقسي عليكم اسي صفا. الوي الو، مساء النور اخي سمير، واش راك؟ السلام عليكم خويا سعيد لباز. اهلا بك، رانا في موعد معك. ايبا مرحبا بك، مرحبا بك. ما نخليوكش وحدك. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Nous sommes en direct et du coup... Malgré que je suis en train de voyager, je suis actuellement à Stockholm et je vais essayer d'assister, de donner ma, mon support. Très bien, bravo mon frère. Bravo mon frère, merci beaucoup. Je dis justement parce que nous sommes en direct et c'est vrai que c'est une émission, normalement c'est pour les auditeurs, ils peuvent intervenir et tout. Et si moi je reste seul, effectivement c'est un problème. Après j'aurais passé un peu de musique, mais on a une heure d'émission du coup. Mais on reste ouvert. Moi je le dis aux auditeurs, nous sommes ouverts sur Skype, vous pouvez intervenir Khautna. Sinon c'est Khoya Saïd, merci beaucoup, j'espère que tout va bien pour toi. Oui, tout va bien. Je suis en train de voyager, de travailler en même temps, donc c'est un peu fatigant, mais ça va aller. Je suis habitué. Ouais, je vois ça. Ouais, je te suis un peu sur ta page Facebook. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de déplacements. Donc, ça fait partie de notre boulot, bien sûr, de mon boulot, quoi. Ouais. Sinon, à propos de la situation, Rak Thani, je sais que tu as des ton analyse de la situation de fond, je veux dire, la crise, le problème, etc. Mais sinon, je sais que Rak Tbathani, ce qui se passe. Et, Je suis toujours les infos, la situation politique en Algérie. Ouais. Et bien sûr, j'ai toujours des analyses en ce qui concerne ce sujet-là, bien sûr. Voilà. Ouais, en fait, moi je pensais, c'est ce qui devrait nous, j'allais dire, c'est très important, la situation politique, la situation des droits de l'homme, c'est-à-dire, parce qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme, il y a des gens dans leurs droits fondamentaux et ils ont de sérieux problèmes, on a vu des emprisonnements et tout. Et j'avais pensé aussi, si les gens ils veulent intervenir, en fait, sur le gaz de schiste aussi, on a vu blé, c'est-à-dire le sujet, ou le problème qu'ils ont créé dans les régions du sud, il est énorme en fait, et les gens du sud ils résistent. Nizam Hab, il veut quand même faire passer son truc, et c'est vrai que c'est très important. Si les gens ils veulent intervenir sur ce sujet, marhaba bihom. Sinon Taya Khoya Saïd, qu'est-ce que tu en penses du problème? Moi, je peux analyser la situation comme ça se passe actuellement en Algérie sur trois étapes. Il y a l'étape des droits de l'homme qui sont complètement épuisées par ce système illégitime. Je vois les condamnations de nos compatriotes en Algérie. À l'Oued, à Alger, partout. Hein. Et ça explique la repression de ce système. Un système totalitaire, un système qui ne respecte pas son peuple, c'est un système qui est hors la loi, c'est un système qui n'a aucune légitimité. Voilà. Ça, sur le plan. Le plan des droits de l'homme. Et justement, juste à propos de ce plan, je coupe comme ça, mais juste parce qu'on a vu, il y a eu beaucoup de cas à Alger, fi la Rouat, fi Ouargla, fi l'Oued. Et ظلموهم تاع صح, on a vu comment, مثلا وقيل في الغوات اليوم ولا ورغلا ولا انيناسي, je dois reprendre l'article là du quotidien. Et c'est-à-dire les familles, elles sont venues pour assister, soutenir leurs proches. Ils ont tous été embarqués. Refdoum, gars. Refdou l'aïlet, refdou. Non, le fait, c'est ce qui s'est passé dans l'Aoualem, dans l'Aouat. L'Aoualem. Et les avocats, j'ai vu qu'ils se sont retirés. Il y a aussi le même chose qui s'est passé dans la ville de l'Oued, où tassadou l'Amen, ou l'Aïsaba. رجال العصابة الحاكمة, أنا لا أقول الأمن لأن الأمن بتعريفه هو يدافع عن الشعب وعن الفرد والمجتمع, لكن هؤلاء ليس من الأمن, هؤلاء بلطجية كما يقولون في مصر. فتصدوا للعائلات والذين أتوا للوقوف وقفة سلمية أمام مجلس القضاء بالواد، و يعني أخذوهم إلى مقر الشرطة حتى تنتهي الجلسة، وهذا يعني لإبعادهم عن طبعا عن مناظر العامة أو الشعب هناك. وهذا لا يمنع فأننا نعرف كيف يتصرف هذه العصابة أو هذا النظام الغير شرعي. نفس الشيء في الجزائر العاصمة، حيث حكم على واحد من المناضلين بستة أشهر، وهو الذي يعمل على موقع التواصل الاجتماعي بلوغ، وهذا في إطار يعني تقييد الحريات ومنع الشباب المناضلين، الشباب المتشبعين للحرية، الشباب المتشبعين لرؤية حلمهم ولو بضع ثواني، وهذا مع الأسف لم يحصل في ظل هذا النظام الغاشم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، إذا رجعنا إلى القضايا السياسية الراهنة، ألا وهو طبعا ما يجري في عين صالح، وقد أدى وقوف أو صمود ضد استغلال واستعمال الغاز الصخري، أول شهيد للأخ الذي استشهد الله أعلم اليوم وعمره 33 سنة، وهذا أطر الجروح التي تلقاها لما هجم عليهم رجال الدرك ورجال الأمن. فاغتنم هذه الفرصة لأترحم على هذا الشهيد، لأنه شهيد، وأتقدم بكل التعازي لعائلته ولأهل عين صالح، ونحن طبعا واقفون صامدون معهم، وليس هناك أهل الجنوب لكن الجزائر كلها صامدة مع عين صالح، لأنها رقعة من التراب الجزائري وجزء لا يتجزأ من الجزائر، وليس هناك جنوب وليس هناك شمال، فالجزائر وطن موحد، ليس هناك بيننا فرق، وإنما هذا النظام الذي يعمل العميل يعمل لمصالح خارجية، وطبعا لتفكيك الهدف منه هو تفكيك المؤسسة العسكرية وتشريدها على جميع يعني الحدود، حتى لا تستطيع يعني التحكم في الوضع، وهذا من السياسة المنتهجة من طرف طبعا الدول التي ترغب في استغلال ثروات الجزائر للمستقبل القريب أو البعيد. إيه صادق، كيف تشوفها أنت مثلا النظام أن نتبعوا فيه صادق يصر على هذه الاستغلال؟ إيه en parallèle en face il y a la population، شفنا أنه المواطنين مش حابين الغاز الصخري واستغلال هذا الغاز الصخري في المنطقة تاعهم، ومازالهم يديروا لو راسومبلمون هذاك قدام لا دايره، داروا لي مارش اي ايز ابيل اي مارش اوسي ولا ما رانيش غلط بور لو 14 مارس. نعم اوكي، اي اذا ريزيستي تو كيسك انت كيف تشوف انت تقولت انه والله هي أخي سمير، سؤالك في محله، طبعا سؤال مهم ولابد علي التدقيق في جواب. فمن ناحية الصمود، طبعا أهل عين صالح ومن يساهمهم في وقوفهم وصمودهم ضد هذه العصابة الحاكمة التي تعمل لمصالح شركات معروفة اسمها، شركات فرنسية تستغل هذه الأمور وتستغل هذه الثروة، بغض النظر عن الأخطار التي تتسبب وسوف يسبب في استعمالها أو استعمال الغاز الصخري، هذا معروف في تاريخ فرنسا الاستعمارية، وقد طبعا قامت بتجارب القنبلة النووية، وأثار هذه القنبلة ما زالت إلى حد الآن سواء في الناحية البشرية أو في ناحية البيئة في نواحي رقان وإلى غير ذلك. فهذا من ناحية يعني ناحية من الجواب على سؤالك. كذلك أنا دائما يعني في هذا الإطار الصمود يعني يؤسفني جدا أن أقول أن النظام وليس النظام ما أريد أن أقول الإعلام الجزائري المضلل المأجور الذي لم يستطع أن يقول شيء ويحضر هناك، وكل من أرادوا حتى الصحافة الخارجية منعت من الدخول إلى عين صالح لترقب الوضع ولتعليق عن الأمور ما يجري فيه. فهذا ما يجعل هذا النظام الديكتاتوري الغاشم الخبيث العميل قل ما شئت خارج عن نطاق التغطية. لكن يؤسفني جدا الإعلام، غياب الإعلام الجزائري، وطبعا الوقوف إلى جانب الشعب لأنه هو وسيلة لإظهار صوت الشعب الجزائري. لو كانت عندنا قناة فضائية مستقلة لما كانت هذه الأمور تسرع، وسوف يكون هناك تغيير في موازين القوى طبعا بين هذه العصابة الحاكمة والشعب. Et tu penses que Néram Rahikemel yani va insister, il va pas reculer? Néram سوف يكمل في هذه الأمور وسوف ينتهك حقوق الجزائر أو الشعب الجزائري ما دام هناك قوى خارجية تؤيده طبعا. والجميع يعلم أن هذه العصابة تعمل لشركات أجنبية، شركات ذو احتكار كبير وقوي في الخليج وفي شمال إفريقيا والقارة الإفريقية أو جنوب أو سنترال أفريكا، يعني في إطار الثروات الطبيعية مثل الغاز والبترول وغير ذلك. فهم هؤلاء الشركات لا يهمهم ضرر البيئة أو ضرر الشعب الجزائري، كل ما يهم هو كسب الأموال واغتنام الأموال بطريقة أو بأخرى. هذا النظام يعمل لهؤلاء الشركات، وهؤلاء الشركات هم الذين يؤيدون هذه العصابة طبعا. لو كان هناك طبعا ابتعاد من طرف هؤلاء الشركات عن هذه القيادة وعن هذه العصابة في الجزائر لما تفككت الأمور وأصبحت تسير موازين القوة تسير إلى الشعب، ناحية الشعب طبعا. هذا هو المشكل الواحد. فلابد علينا كإعلاميين، لابد علينا كنخبة أن نوصل رسالتنا إلى العالم والرأي العام العالمي، حتى ولو كان على حساب انظر ما وقع لهذا الشاب، يعني ضحية في سبيل الواش، في سبيل امتناع او يعني اعطاء رايه عن عدم استغلال هذه الثروه الخطيره جدا الا وهو الغاز الصخري في الجزائر رحمه الله واسكنه مسيح جنانه. ان فات هو توفى حسب ما قرات، توفى في اثناء فض ساحه صمود بلاكريموجين، كلا بزاف اكريموجين اي تو. نعم. بعد فوالا اللي رونتري دون الكوما وقيله ومن بعد مات مسكين. نعم. دخل في في في حاله غيبوبه، وطبعا استشهد بسبب التهامه كثير من اللاكريموجين. فهو يعتبر اول شهيد لهذه en fait, c'est grave quand même que comme tu dis parce que c'est-à-dire كل هذا لاجل مصالح شركات اجنبيه شركات انترناسيونال et ça c'est grave quand même. دم الجزائريين غالي جدا et c'est pas normal. هذا ما يوضح ويعني طبعا حياة الجزائري أو روح الجزائري لا تسوى ولو فرنك كما يقول. C'est sûr. En fait, أنا يعني دائما نقولها هذه قريتها عند حسين مالتي à propos des gens تاع عين صالح وتاع هذو اللي رافضين الغاز الصخري تاع الصحراء ايتو. كما قالها هو قال هو انه الناس يعني واعيين بحاجه انها قضيه حياه وموت وهي صدير تعني المياه اللي تستعملها الناس هذو وقيمه المياه في الصحراء قيمتها كبيره يعني عند سكان الصحراء اي استغلال الغاز الصخري يلوث المياه هذه اللي هي يعني قضيه حياه او موت. C'est pour ça que les gens du sud ils résistent en fait ils résistent comme toute personne digne qui résiste à un truc pareil auquel il faut résister يعني tu laisses pas polluer les eaux et voilà le مشكل انه كي انت يعني c'est pour reprendre ce que tu disais le مشكل انه النظام il est un exécutant ta chériquette et il a décidé de passer outre. En plus, l'Algérie ne profite absolument pas de cette histoire. Ils vont tout polluer, ils vont yani, tuer les gens et tuer l'avenir et tout. Et puis les sociétés, elles veulent vendre leur technologie au gouvernement algérien et à son attraque et tout. Quand il y a l'absence de l'expertise, mon cher frère... Et d'ailleurs, ils payent tout ça. Ils payent tout. Je travaille dans le domaine des projets et je réalise des projets sur le plan international. Il y a des normes. Et ces normes-là fonctionnent sous une expertise. Quand il y a l'absence de l'expertise et des conseils, si vous voulez, d'experts dans ce domaine, que ce soit dans un système ou que ce soit dans une compagnie, c'est toujours contre le chat est absent, la souris danse, bien sûr. Le système algérien ne se dispose pas. Il n'a pas des experts. On a des Algériens qui sont experts. Je vous donne un exemple. J'ai un ami, le docteur Abdelkader Saadallah. D'ailleurs, j'ai publié son vidéo sur le gaz schiste. Exact. Ça fait pas longtemps. Et de sa bouche, il explique qu'il n'a jamais travaillé avec la Sonatrach parce que la Sonatrach ne veut pas de lui, alors qu'il a travaillé avec des plus grandes compagnies de forage dans le monde comme Bechtel, comme Shell, comme BP, etc., etc. Ça explique la suppression de nos élites parce que ils veulent pas la Sonatrach ou bien ce système-là qui dit la Sonatrach, bien sûr, c'est la poche de ce système, hein. Ça explique qu'ils ne veulent pas de nous comme élite, qu'ils ne veulent pas de nous comme experts travailler en Algérie parce qu'on les dérange. On dérange ce système, on dérange cette bande de mafias parce que nous, on ramène notre expertise, notre qualité de travail avec des idées modernes, avec des idées. On n'a pas besoin d'argent, on veut uniquement travailler en Algérie. Et le docteur, ça me fait mal au cœur, un docteur algérien, depuis 30 ans qu'il est en train de travailler, il y a plus que ce Abdelkader, que mon ami Abdelkader Saadallah, il y a d'autres qui sont éparpillés à travers le monde entier. C'est vrai. En plus, dans le cas du gaz de schiste, en fait, l'Algérie va acheter la technologie aux sociétés. C'est pour ça que ces sociétés, elles sont très intéressées, parce que c'est elles qui vont rafler tous les marchés. Et du coup, voilà, le Jazeerine, mais il se fait douffer, ou elle, c'est pas normal, c'est normal. Il n'y a aucun bénéfice pour le peuple algérien, mon frère. Au contraire, c'est toujours, c'est un mal qui est pour, si vous voulez, la vie humaine et sur le plan d'environnement, sur le plan, ils vont polluer toute la nappe phréatique qui se trouve au Sahara, qui est capable d'alimenter presque la moitié de l'Afrique. Alors, imaginez-vous que cette nappe phréatique sera contaminée. Qu'est-ce que ça devra l'écosystème saharien ou l'écosystème méditerranéen ou l'écosystème continental, si vous voulez, sur le plan l'Afrique en général. Donc, ça, c'est un suicide, c'est un acte génocidaire envers l'environnement, envers la population, et aucun bénéfice sur le plan de ces exploitations du gaz de schiste. Oui, absolument. On a vu aussi à propos du gaz de schiste, il faut absolument beaucoup, beaucoup de puits en fait. C'est ce que ont fait déjà les sociétés américaines sur les territoires où elles ont déjà exploré, exploité. Le puits de gaz de schiste, il s'épuise très vite. Et donc il faut forer encore, et du coup ça va être des milliers, des milliers, des milliers de puits qu'ils vont faire, là où là des millions peut-être. Et du coup, c'est un vrai génocide qui m'a colté. Exactement. Ce n'est pas uniquement ça, c'est la méthodologie du forage dans le gaz de schiste. Parce que le forage dans le gaz de schiste, d'après les experts, moi je ne suis pas un expert, comme je t'avais dit, mon ami m'a expliqué, le docteur Sadova, il faut forer verticalement et horizontalement en même temps, en utilisant bien sûr de l'eau fraîche. Des milliers de gallons de l'eau fraîche, mètre cube si vous voulez. Donc ça, en ajoutant bien sûr des produits chimiques qu'ils n'ont aucun contrôle, parce que si ces produits chimiques vont se joindre avec la nappe phréatique, tout sera contaminé et ça serait un désastre écologique. Voilà. Exact. Donc voilà, ça dit le... Donc le danger est toujours imminent. Malgré ça, ce système ou cette bande, si vous voulez, de mafia qui maintient le pouvoir en Algérie, travaille pour le compte de ces compagnies étrangères qui ne veulent que d'avoir leurs bénéfices, dans l'absence, bien sûr, d'un État souverain, d'un État conscient, d'un État qui travaille pour son peuple, qu'un État qui ne voit que du bien pour son peuple. Bien sûr, il utilise toute cette faiblesse pour, bien sûr, ce sont des locus. Ils passent là où il y a toujours une fertilité. Regarde qu'est-ce qui se passe au sud du Soudan, là. C'est la même chose. Ils sont en train d'utiliser la même pression sur un état faible du sud du sud du Soudan, là. Et bien sûr, exploiter toutes leurs ressources. C'est un état qui est riche en pétrole, gaz et d'autres ressources minières. Et la même chose, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, c'est un jour de colonialisme moderne, une attribution bien sûr économique, que soit tu le veux ou tu ne le veux pas, dans l'absence ou dans la présence d'un pouvoir ou d'un régime faible, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est ça le malheur, c'est ce qui nous fait peur, les Algériens, c'est que on a justement affaire à un régime qui est faible. Du coup, il essaie de se maintenir tant qu'il a les moyens financiers pour se maintenir. Quand il n'aura pas les moyens financiers pour se maintenir, il risque de s'écrouler d'une manière même brutale. Et ça fait peur, parce qu'un régime qui s'écroule, il peut emporter avec lui l'État, il peut emporter avec lui la société. Et ça fait peur aux Algériens. Du moins, moi, je le dis toujours, la historienne. La histoire. لا يستر زيادة على ذلك الخطر يعني الأكبر في هذا يعني في في في في هذا الأزمة أقول الأزمة السياسية طبعا أنا أتكلم عن الأزمة السياسية في الجزائر هو طبعا ضعف كذلك لأن يعني ما نركزوش برك على النظام لازم نشوف الأمور الأخرى هو أولا وقبل كل شيء يعني انعدام الوعي الشعبي في الجزائر la conscience publique du peuple algérien elle est dégradée هذه وحدة طبعا هذا لأسباب معروفة مثل التخدير اللي راه كما يقول لك يستعملوا هذه تستعمل في هذه العصابة التخويف إعادة يعني خلق البلبلة و ما غير ذلك من العشرية السوداء إذا لم يعني يكون هذا الشعب الجزائري في إطار كما يقول لك تسليم كل الرأي لهذه السلطة يجبدوا له في الأمور مثل العشرية السوداء طبعا وهذا يعني انعدام الأمن فهناك تخويف وترعيب وإلى غير ذلك هذه من ناحية كذلك يعني النقطة الثانية هي مهمة جدا ألا هو تكسير النخبة الجزائرية لأنها تعتبر أعمدة. أنا دائما أقولها في في في في عدة تصريحات أن ضعف النخبة الجزائرية طبعا سوف تفتح الأبواب لهذا النظام أو هذه العصابة الحاكمة أن تفعل ما تشاء. فبدون التحام النخبة سواء في الداخل أو في الخارج والعمل بكل الوسائل، الوسائل طبعا المخولة لها، يعني الوسائل اختصاصات هؤلاء النخبة مثل أنا مثل هناك كثير، ونعمل في هذا الإطار لإنقاذ الجزائر، لإنقاذ الجزائر سواء على المستوى على البعد يعني القريب أو المتوسط أو البعيد. فهناك ما شاء الله يعني خبرات الجزائريين معروفة سواء في الداخل أو في الخارج. في الداخل هي مقيدة الآن، لأننا نعرف من خلال الإحصائيات عام 2012 هناك حسب الإحصائيات ومكتب الإعلام الإحصائيات في الجزائر يقول هناك أكثر من 1,000,000 نخبة في الجزائر، لكن فعالية هذه النخبة لا تزيد أكثر من 1.7%. يعني بقى تشوف الفعالية هذه النخبة اللي موجودة والكمية الهائلة تاع النخبة الجزائرية، 1,000,000 نخبة في الجزائر والإفكاسيتي نتاعهم ان ديباس ميم با لو 1.7%. Ça s'explique comme ça. Ça explique le parallélisme qui touche nos élites en Algérie, bien sûr, à des raisons qui sont bien vues. Le système est fait de toutes ses forces pour briser ces élites, les élites du peuple, les rapprocher de son côté, les falsifier, les forger et tout. Et c'est ce qui se passe actuellement, malheureusement, en Algérie. C'est un problème, Lilith. S'mah li, justement, c'est un point important, à mon avis. C'est un point important. Ouais, c'est vrai. Si on veut le changement, je pense qu'il n'y a pas d'autre passage que de passer par une certaine élite, même si qu'on l'appelle élite ou la Kemal Haboul, Nohba, ça. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire, actuellement, c'est la situation que tu décris, Intaya. Il y a un gros problème, t'as l'élite. Il y a des raisons et tout. Tu les as évoquées et tout. Effectivement, on est face à une situation où l'élite, elle n'est pas opérationnelle. Notamment, par exemple, l'élite politique, c'est celle qui nous intéresse concernant Absolument. Le changement politique. Et c'est vrai qu'elle est dans une certaine situation qui fait que c'est impossible. Et on sait aussi que, ou l'habinandir au changement, on ne pourra pas faire autrement que de passer par une élite, même s'il s'agit de la réinventer. Et Absolument. Nous, je sais que nous, au CCD, on parle de ça et on essaie d'œuvrer vers ça. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où il s'agit de reconstruire cette élite, d'aller la chercher, de trouver de nouvelles têtes, etc. Parce que on voit que l'élite actuellement, elle est complètement noyée et, Kemal Koulou, elle est, c'est-à-dire piégée, elle ne peut plus rien faire. Pour la plupart, elle est démissionnaire ou elle a rejoint le camp du pouvoir. Du coup, on est dans une phase où il faut la reconstruire, cette élite. C'est à reconstruire, il faut aller la chercher. Nous, si on fait une radio comme ça, on essaie de leur parler à ces gens. Oulala, c'est-à-dire, ceux qui veulent écouter, rejoindre, etc. Voilà, c'est-à-dire, on essaie de leur dire avec tous les moyens qu'on a, même si c'est des moyens très humbles. C'est les moyens qu'on a actuellement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mon frère. Si on a, par exemple, une chaîne satellitaire, ou quand on a une chaîne fadaïa, on peut donner notre avis interne dans l'état, bien sûr, Mouhtamar Taghir, démocratie, or en français, le CCD, et accueillir et ouvrir les portes à tous ces gens-là qui sont intéressés, bien sûr, à travailler leur pays de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y a tous les moyens, il y a tous les... les possibilités pour reconstruire l'Algérie. Ce n'est pas uniquement de l'intérieur, mais il y a aussi l'extérieur, parce que je me rappelle d'un fameux, si vous voulez, citation, ou d'une fameuse citation de Churchill, si on ne peut pas rentrer par la grande porte, on a toujours les moyens de rentrer par les fenêtres. Donc, il faut toujours considérer toutes les possibilités pour franchir ce système, pour déstabiliser ce système, bien sûr. On ne peut pas l'anéantir tout, mais il faut toujours essayer, même si les résultats ils sont, comment dirais-je, minimes. C'est ce qu'il a dit Mustafa Ben Bolaïd, il a dit que nous essayons, rahimahullah, même si on a dit que يعني الريزولتا مينيم مي على الاقل رانا حاولنا اون ايسيي سي سا لامبورطون سي فو با ريستي لي برا كروزي مو جو بيان سور مو جو مادريس جو مادريس با او بوبل لو بوبل لو بوبل كومون ديراج سي سي سي سي سي تانو دو لو فير بوجي هيكله الشعب تجي من النخبه هيكلة الشعب جي من النخبة والشعب يصدق النخبة لو كان تعمل في إطار كما يقول شفاف وتعمل في إطار المصلحة العليا للشعب الجزائري وللجزائر كوطن بدون أي طبعا جهوية أو محسوبية أو إلى غير ذلك. هذا c'est pour ça moi je m'adresse toujours à ces gens-là. Ces gens-là ils sont capables, s'ils sont capables d'être comme je dis d'être qu'ils ont réussi dans leur vie professionnelle là où ils sont, hein. Moi je me pose la question pourquoi ils n'arriveront pas à franchir cette ligne qui est complètement brisée, je parle du système. Renouveler cette scène politique, remoderniser la scène politique en Algérie et travailler dans un cadre ou dans un projet de stabilité, dans un projet d'avenir, surtout pour l'Algérie. Le peuple algérien constitue de plus de 76% d'une population très jeune. Ces jeunes-là, ils ne cherchent que ça. Il faut les orienter. C'est à nous de le faire. Nous, on a passé l'étape. On connaît bien ce système-là. D'où il vient, d'où il part. Ça, c'est sans aucun doute. Moi, je n'ai pas peur de ce système parce que ce n'est pas le système qui me fait peur. Ce sont des idiots. Hein? Ce sont des imbéciles. Ce sont des gens qui n'ont aucun... C'est un système qui est très vieux. Et on ne peut pas... faire un changement avec de l'antique. Voilà ce que je vois. Mais il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas l'exclure. كما يقول من دخل أبو بيت أبو سفيان فهو آمن ومن دخل الكعبة فهو آمن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح له. Donc on ne peut pas exclure ce. Mais s'ils sont vraiment honnêtes, qui nous approche, moi je parle au sein du CCD, qui nous approche, qui discute avec nous, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour prendre cette initiative, hein? Mais on ne dépend pas de ce système. Nous, on ne dépend pas de ce système. مؤتمر تغيير الديمقراطية ليس له علاقة مع هذه العصابة الحاكمة. لكن نحن نفتح الأبواب لكل من يحب أن يعمل الجزائر وأن يخدم الشعب الجزائري وأن يخدم هذا الشباب الضائع مع الأسف. الذي ضيعه هذه العصابة أو النظام الحاكم في الجزائر. ولهذا السبب أقول لكل الإخوة المستمعين في هذه الإذاعة المباركة، نحن دائما نعمل في هذا الاتجاه تحت حركة مؤتمر تغيير الديمقراطي، وكل من يريد الاطلاع على هذا ما عليه إلى أن يدخل على موقعنا ccdalgerie.com .org ou bien ccdalgerie.org .org, voilà, c'est ça. Ou bien يقدر يستمع لإذاعة التغيير تاعك الأخ سمير. هناك كثير من التسجيلات اللي قمنا بهم في مرحلة قصيرة، وكلها تهدف إلى طبعا الإصلاح في الجزائر وطبعا حقوق الإنسان والحديث عن طبعا الأزمة السياسية في الجزائر وكيف إصلاحها في إطار طبعا فكرتنا. ونحن نرحب بأي إنسان له أفكار وله طبعا توجهات مستقبلية إن شاء الله تخدم الجزائر والشعب الجزائري. Inch'Allah, bien, c'est bien rappelé. Moi, je pense à ce propos, Khoya Saïd, et l'occasion de le dire à nos auditeurs et aux gens qui nous écoutent. Pour moi, en fait, c'est vrai, on est ouvert, et c'est le but du jeu, en fait. On a envie de débattre avec les Algériens. Et ce qui est très important à rappeler, pour moi, c'est important, à mon avis, c'est la clarté de la démarche du CCD. Pour moi, ce détail, il est très important. parce qu'on a une démarche qui est très claire. Ou qu'on tout à l'heure, Ntaya, Bli, chef FIA. Déjà, nous, on essaye d'être dans la transparence totale. Et c'est vrai, hein. Et la démarche Ta'anathani, qui est une démarche mûrement réfléchie, qui est une démarche qui est issue de, qui m'a collé plusieurs années d'expérience ma Kadaya dit à Nidam ou le Meshakil Siasia, etc. Et donc c'est le résultat de tout ça, et puis c'est le résultat de la rencontre de beaucoup de gens de différentes mouvances. Un Habhad Bzef au sein du CCD qui collait que. C'est-à-dire, c'est quoi ta carte de parti politique et tout. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un, c'est quoi ton idéologie ou là, c'est pas ça notre problème. C'est que nous, il n'y a pas de différence entre toutes les idéologies et tout. On est des Algériens et on a compris, Billy, on est dans une situation où, lesmna tawafouk, c'est ce qu'on a appelé tawafouk dans nos appels. Tawafouk mabin koul jazaïriyin, koul idéologie, etc. autour d'une démarche pour mettre en place un état de droit d'une manière claire, d'une manière réfléchie, sage, non violente, etc. Et on appelle tous les Algériens à aller dans ce sens. Hna, on l'a toujours dit, on essaye et on fait des efforts comme on peut y aller, humblement, mais d'apporter notre pierre à cette démarche-là. C'est-à-dire comment on va faire pour faire un changement sage, un changement qui a yani un sens sérieux, réaliste et faisable en fait. Et du coup, c'est vrai que voilà, les gens qui se reconnaissent dans cette démarche, ou là, nous on appelle tout le monde à aller dans ce sens en fait. C'est ça qui va sauver notre pays. Pour cela, je pense, tu le disais très très bien tout à l'heure à propos de l'élite, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase où on doit reconstruire les ponts, on doit aller vers les gens à gauche, à droite, on doit être à l'écoute. Meshakil ta nas chfna yani moi ana nhiyi yani nas ta CCD, puis ana nhiyi gal monadhilin de partout de toute façon quand ils sont auprès de leurs citoyens qui nas li rahou lghwat nas li rahou lwergla nas li rahou ma nas ani salah ou nas li tkhraj li rassemblement y compris fl kharj yani Paris, Londres ou là ils sont du jazaïriyen ana nhiyihom gal. Et j'ai vu au sein du CCD blé ils font le maximum. Ils se déplacent, les avocats du CCD, ils se sont portés volontaires et tout. Et voilà, c'est ça aussi notre démarche, c'est-à-dire qu'on essaye d'être là, Mashabdana. Shabdana, il a des problèmes, nous on essaye de l'aider, chacun avec ses moyens, chacun où il se trouve. Et si les gens ils se reconnaissent dans ça, marhaba bihom, s'ils trouvent que c'est bon, ils doivent pousser dans leur coin, ou mathani, vers ce genre de choses. Et il faut y croire, amnou bli, c'est-à-dire le Jazair hadi, tstahel ghir lkhair. Absolument, mon frère. C'est, en plus de ça, dans le sein du CCD, le CCD, autant qu'un mouvement, Mu'tamar Taghyir Démocratique Haraka, hna laysa lana takhwil min taraf an-nidam, laysa lana i'timad. On n'a pas une licence ou une autorisation de ce système. Donc, pour nous, autant qu'un mouvement, on est presque un hors-la-loi pour ce système. Ce qui explique. On a l'intention de changer de système, ouais. Oui. Ce qui explique notre mission et notre, si vous voulez, position du côté populaire. Nous sommes chab. أنا أتكلم مع الشعب أتكلم في إطار هذه الحركة بكل شفافية بكل احترام طبعا وأضع الجزائر القضية الجوهرية أمامي لأخدم هذا الوطن وأخدم هذا الشعب وأخدم الشباب بكل يعني خبرتي سواء في الميدان السياسي أو في الميدان التكنولوجي أو في الميدان الإداري أو إلى غير ذلك. وإن شاء الله هناك الكثير في مؤتمر التغيير الديمقراطي لهم كفاءات ويعملون بكل جهودهم, فنأمل دائما في العمل المتواصل. وطبعا نحن على أثم الاستعداد للحديث مع كل الناس الذين أو الأحزاب أو الحركات المعارضة لهذا النظام والتي تعمل في إطار المصلحة العامة والمصلحة العليا للجزائر. نحن لا كما يقول لك لا نقصي أي إنسان ولا نخرج عن نطاق الحوار مع الأحزاب الأخرى أو الجماعات والأفراد التي تمشي في نفس الإطار أو معارضة لهذا النظام وتعمل من أجل مصلحة الشعب الجزائري وهذا الوطن الغالي علينا طبعا. وهذا ما فعله الأخ مهري لما طبعا لقي كل الأفراد في سنتيديشيو. فنحن طبعا جماعة أو حركة في الجزائر من الشعب الجزائري إلى الشعب الجزائري مفتوحين الأبواب، وكل من يريد الحوار معنا فمرحبا. En fait, on en était arrivé là, Khoya Saïd, je ne sais pas si le son y passe. Ouais. En fait, on parlait du CCD, en fait, parce qu'on a parlé un peu sur le changement. Hein. On était en train de parler sur le changement, comment il peut se faire, etc. Et qui sont les gens sur qui on peut compter, on attend d'eux qu'ils bougent, pas pour ça, qu'ils bougent pour le pays, pour l'Algérie. Et on a parlé, et du coup c'est pour ça qu'on a dit, Hnaf, le CCD, on essaie de bouger, voilà en fait. Hnaf, on essaie de faire des choses, on a essayé de proposer, humblement, encore une fois, on l'a toujours dit, moi je témoigne, Billy, quand on se rencontre et tout, on l'a toujours dit, Billy, nous on n'a pas le monopole du changement. Tu as rappelé un truc que je considère très important. C'est vrai, حنا ما نتحاوروش مع النظام. حنا نحاولوا نتحاوروا مع الشعب. رانا في جهة الشعب. ما عندناش حوار مع النظام. Et l'enjeu de la phase actuelle pour le peuple, c'est que le peuple, il devient libre, qu'il devient autonome, que le peuple se libère en fait. كما حروا المجاهدين والشهداء الله يرحمهم حروا الجزائر. لازم نحروا ثاني الشعب. C'est-à-dire الشعب يتحرر et il devient libre et il se prend en charge. C'est un grand travail, ça peut demander du temps. C'est vrai qu'il faut avoir un moral d'acier. Si je peux me permettre, je sens ça, tu vois. Je sens que c'est des gens déterminés. Absolument, si tu ne le sens pas, tu ne peux pas réaliser le rêve. Absolument. Il faut être déterminé, en fait. Les gens, il faut déterminer. La tâche, elle est difficile, mais il faut être déterminé. Et moi, je suis fier des gens avec qui j'essaye de militer et tout, notamment au sein du CCD. En dehors aussi, il y a des gens en dehors du CCD. Absolument, absolument. Et des gens déterminés qui y croient. Et pourtant, la tâche, elle est importante. La tâche, elle est importante de façon... On a déjà précisé ça dans plusieurs débats sur votre radio, qui sont déjà enregistrés. Si les gens, par exemple, qui sont intéressés à connaître notre mouvement, ils n'ont qu'à aller à visiter le lien ou le link le CCD algérie.org. Et il y a tous les enregistrements. En plus de ça, il y a le quotidien d'Algérie qui publie sur ses pages quotidiennement. Nous, ce qu'on fait dans ce mouvement, on est en train de semer. On est en train de semer la bonne graine. Le changement ne vient pas d'un jour à l'autre. Le changement, comme vous avez dit, mon frère Samir, ça va prendre des années et des années, ça va prendre du temps. Mais il faut avoir, comment dirais-je, une patience, il faut avoir une rigidité, il faut avoir une vision à court terme, à moyen terme et à long terme pour pouvoir réaliser tout ce qu'on est en train de semer un jour là. Peut-être que ce n'est pas nous qu'on va récolter ça, c'est nos enfants, c'est nos grands-enfants, mais l'essentiel, c'est qu'on a fait notre devoir. Très bien, merci beaucoup pour le rappel. Merci aussi d'être présent pendant cette émission. Je vous en prie, mon frère. C'est la moindre des choses que je dois faire. Comme je t'avais dit, je suis en déplacement, en mission, mais j'ai vu votre article sur ma page tout à l'heure. J'ai en profité de l'occasion pour me libérer et puis pour avoir cette discussion que je la vois très très importante. J'espère que nos auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent nous joindre, bien sûr, ils n'ont qu'à appeler sur le CCD Live Skype. Très bien. Et s'ils veulent poser des questions ou donner leur avis, qu'ils soient la bienvenue. J'ai déjà fait ça sur ma page, ma page du Facebook. On est en train de faire le possible pour que je puisse attirer le maximum des gens qui sont intéressés, bien sûr. Très bien, très bien. Et effectivement, le débat continue, la relation avec l'Akharine, elle continue. مرحبا بهم الناس اللي حابين دابور سيل فول انترفينير سي سي دي لايف سور سكايب اي فوز ات اون ديريكت سينو خويا سعيد توت فاسون ليميسيون اي لوي ريست انكور 10 مينوت سي تو ا ان بتي مومون تقدر تريح معنا سا سري بيان ابسوليمون سون اوكان بروبليم يا 10 مينوت سون اوكان بروبليم تري بيان دون ان فيت ا دو 22h ا 23h سي كو جو دو اجوتي بيان سور يا quelque chose que c'est très important. Actuellement, dans l'arabe arabe, le peuple jazaïri est soumis à un stress كبير. اول وقبل كل شيء ضغط الترهيب والتخويف من طرف هذه العصابه طبعا باطلاق يعني بلبله وشائعات ان لم يعني تخضعوا لما ما من الى خطط هذه العصابه سوف ترجع العشريه السوداء والى غير ذلك. هذا ما يجري الان. هناك فئه من الشعب الجزائري لا تهتم بالسياسه. لماذا؟ لان العقول تها مخدره واصبحت يعني تجري وراء الماده وراء البزنس. وهذا ما وصلتني من معلومات مع الاسف. هؤلاء الناس إذا كانوا بسطاء أنا ما ملومش عليهم لأنهم طبعا يحاولون بكل وسائل لكسب العيش وكذلك لكسب الغنائم في ظل هذا الضعف هذا النظام. فهذا هو المشكل الواقع في في في في في الأوساط الشعبية. لكن ما يهمني والأخطر من ذلك هو انعطاف أو انحراف النخبة والاتجاه نحو هذه العصابة الحاكمة. علاش؟ لأن العصابة هذه إغوتهم بالمال وإلى غير ذلك. وهذا خطر كبير لأنهم يبتعدون عن طبعا أوساطهم الشعبية وسوف يعزلون أنفسهم عاجلا أم آجلا. أنا أقولها بكل صراحة ولا أخذ إلا من الله سبحانه عز وجل. دونك سي زي ليتلا ils sont en train de faire si vous voulez un grave passage et ils vont être isolés parce que tôt ou tard ce système va être anéanti. C'est question de temps, je l'ai dit et je le redis, hein. Et ces gens là ils vont aller au vent donc il faut penser encore une deuxième fois. Je lance cet appel bien sûr à ces élites là vous avez une conscience, vous êtes éduqués. Pensez à ce que vous êtes en train de faire parce que ça ne va pas durer. Voilà. Et juste pour rebondir sur la dernière phrase d'Adictac sur la société et tout, Chefna qui fait Yanni Saha, il y a, c'est-à-dire la sonnette d'alarme, elle est tirée aussi sur le plan social et tout, parce que ça explose de partout. Mais la violence, elle s'est propagée, l'insécurité partout, oui. En fait, les rues, les villes, les villages, ils sont devenus il y a beaucoup d'insécurité. Et du coup la société, c'est vrai, elle vit très très mal en fait. C'est pour ça que les gens, les Algériens, les Algériens, même tu le disais tout à l'heure en fait, les Algériens sont soumis à une pression incroyable en fait. Et du coup quand tu soumets les gens à une pression, voilà, ça donne des situations impossibles, hein. Ça éclate entre les quartiers, c'est des grandes bagarres. Je vois maintenant les vidéos, ils les postent, les gens sur oui, internet. Parfait. C'est ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement. Le problème, c'est que si vous voulez, il n'y a aucune redirection de ce mal qui se passe dans notre société. Le système ou cette bande de mafia qui gouverne, elle voit bien sûr cette situation travaille dans leur avantage bien sûr. Donc ils sont restés dans leur chaise, les bras croisés, regardent ce qui se passe, qui m'égole que le pour eux, ils sont fichés perdument. C'est ce qu'il veut. Parce que الناس تتقاتل كما يقول لك الناس تتقاتل بين بعضها وما راهم يخدموا في الاخر تاعهم بان نهضروها بالدارجه. Le malheur c'est que je sais pas où est-ce qu'il y a la conscience de ce peuple. C'est ça la question. Jusqu'à quand ce peuple sera endormi? حتى نهار يقلعوا له الاخر شو يسميوه لي راسين تاعو من الاخر يهدموا له في الدار تاعه ولا يشوفوا كما يقول لك يدوسوا له على على العرض على عرض على عرض العائله تاعو كما كان كما كنا في وقت فرنسا ولا شنو راهي راهي ديجا راهي صاريه راهي صاريه دونك il faut au peuple algérien moi je parle à mon peuple hein الشهيد العربي بن مهيدي تحكي لي جدا الله يطول في عمرها امو نانا عيشة الشهيد قالت له ابني قالت له انت على ما تزوج قال لها يا ماما تزوج الله يرحمه وش عليه قال لها زوجة تاعي هي الجزائر والام تاعي هي الجزائر الى قال لها الى وحيد وبخيت الاستقلال راني اب الجزائر قال لها ولا موت ترى عندك هذاك الوقت كانوا 9 ملايين و 7 ملايين قال لها راهم كاع اولادك الله يرحمه وسالي شوف لي جون كومون كيل بونس سي با زان بونوم كي افي كيما يقول كان دكتور هذا الاخر مي الى بي اون فيزيون لا بي اون فوا دون سون بيي اي سي ساكريفي بور نو سي ساكريفي بور موا اي بور تو لي ارجينيان بور كون بويس فيفر اورو اي انديبوندون اي دين. Malheureusement, on n'a pas ça. On n'a plus on ça. On n'a pas encore atteint ce niveau. On n'a pas encore atteint le niveau de la justice, le niveau de la dignité et le niveau de l'indépendance de notre pays. Ouais. C'est malheureux. C'est malheureux pour notre pays. Mais bon, hein, encore une fois, on a Damon Amen Billy, c'est-à-dire le Jazair Mazelha Haya, ou le Jazair Takdir Tati Ouled, ou Andha, ou Tati, tout le temps, même si le Nidam Kdir Anou, il te hakim fi Bal Omor, il te hosse le Nokhba, il te hakim, mathalan, de tous les organes, les instruments, ta Nokhba, mathalan, la société civile, il a des méthodes pour la contrôler, la société politique, il l'a contrôlée. Et donc, effectivement, Nizam, il a réussi à, un peu comme du temps du colonialisme, pour reprendre ton exemple, le colonialisme pendant des décennies et des décennies, il avait réussi à maîtriser la battre qu'un galbha yghalbha normal. Je me souviens de quelques passages de ce que j'ai lu, peu de choses que j'ai lu chez Malik bin Abi Rahmou. Il avait une analyse de ça. Il analysait comment l'istimar kan andou toroq wa adawat wa etc pour باش يتحكم في الشعب هذا باش يغلبوا باش يستعمروا باش يستغلوا et je pense que on peut toute proportion gardée on peut appliquer la même remarque مع النظام انه النظام ثاني قدر وانا يعني ك juste mon souvenir perso يعني je remonte pas à ceux qui ont vécu il y a des gens ils ont vécu les années 60 les années 70 mais انا شافي برك التسعينات والالفينات هذه اللي رانا نعيشوها j'ai personnellement j'ai vu comment c'est vrai que النظام قادر يفكك الأحزاب ويفكك لا سوسيتي سيفيل اي تو اي فوالا سي سكي في كو ما راناش نشوفوا يعني الناس مازال ولا كاينين اون ايساي دو لي راسومبلي اون ايساي دونتري ان كونتاكت افيك او اون لي فوا طونز ان طون هاكا مي لي جون اي دواف ريبروندر كونفيونس اي دواف بروندر لو ريسبونسابيليتي بروندر دي ريسك كيما يقولوا باسكو لازم نتجاوزوا مثلا المشاكل هذه تاع الايديولوجيات اتسيتيرا اي كومبروندر وراه لونجو ان فيت ما راناش لونجو ما راهش في لي ايديولوجي مي لونجو راه في سلامه الجزائر دون لا سوليسيون كي celle du compromis politique, du changement radical, d'un état de droit, de la légitimité de populaire et tout. Donc voilà, nous on pousse si vers ça. Si on revient à ce que, si je me permets, Akhi Samer, vas-y, ouais. ce que vous avez dit tout à fait correct. Le problème qui se pose, hein, on a tout noir sur blanc, tout est écrit dans notre constitution. C'est vrai. La constitution algérienne, c'est l'une des meilleures constitutions dans le monde. Comment dirais-je, make no mistake, il faut pas faire. C'est, j'ai lu la constitution des États-Unis, j'ai lu la constitution britannique, la constitution française. La constitution française, d'ailleurs, la constitution algérienne, c'est un dérivé de la constitution française. C'est l'administration française. Le problème qui se pose, c'est la mauvaise application, c'est le manque de respect de ces lois, de ces critères qui se trouvent noirs sur blanc, ils n'ont jamais été appliqués. Où ils ont été appliqués, ceux qui ont été appliqués, ils ont été appliqués dans le mauvais sens. هاو المشكل وين؟ عندنا القوانين راهي مكتوبة راهي مخولة، لكن المشكلة وين؟ هو تطبيق هذه القوانين في الميدان، سواء من طرف الدولة أو من طرف الإدارة أو من طرف المؤسسات أو من طرف الشعب أو من طرف الأفراد أو من طرف يعني كل الفئات المعنية، لأن القوانين الدستورية ليس هي قوانين فقط في إطار كما يقول لك الدولة أو النظام، لكن قوانين في إطار حقوق الشعب الجزائري، في إطار ممارسة يعني وظائف الشعب، ممارسة الوظائف نتاع الأفراد في إطار هذا في الوطن، كيفية العمل من أجل بناء الاقتصاد، المؤسسات إلى غير ذلك. مع الأسف منذ 15 عام هذه الأمور أبعدت نهائيا، يعني الدستور أصبح كما يقول لك معلق في الحيط، ما عنده حتى معنى. أنا هذا ما وصلت إليه، لأنني عشت فترة بومدين رحمه الله وعشت فترة شادلي، لكن مع الأسف لما يعني تركت الجزائر في الثمانينات قبل يعني العشرية السوداء دائما أتتبع طبعا الأمور، لكن لم أكن مع الذين يعني عاشوا هذه يعني المرحلة أو التسعينات. Très bien. Non, je pense que on a essayé de dire beaucoup de choses en fait, même si effectivement on a commencé sur les problèmes du gaz de schiste, les problèmes politiques, les problèmes des droits de l'homme, et en parlant du changement, on a essayé de présenter un peu. On est venu en fait sur le sujet du CCD puisqu'on est sur la radio du CCD, juste pour rappeler aux auditeurs un peu c'est quoi le CCD et ça. Dire Bli, ils peuvent nous contacter, Bli, ils peuvent nous faire leurs remarques, etc. Normalement, l'émission Hadi, elle est ouverte en fait aux auditeurs. Ils peuvent participer par Skype. C'est tous les mercredis à 22h. Chaque mercredi à 22h, on essaye d'être présent, on ouvre l'antenne. Et merci, moi je dis merci énormément à l'Akh Saïd Lebez, un des membres fondateurs du CCD. Tu as été présent, tu as participé avec moi sur le sujet de ce soir, les sujets de ce soir. Atek Sahaj, je sais que tu es très occupé, tu as consacré du temps à l'émission. C'est un plaisir d'être avec vous, bien sûr. Je ferai ça volontairement, je le refais encore. J'espère qu'on a lancé notre message. On a abordé pas mal de sujets. On a abordé, comme vous avez dit, mon frère, le sujet des droits de l'homme, la crise et la situation du gaz de schiste. On a abordé notre, si vous voulez, vision au sein du CCD. Exact. On a abordé les problèmes sociaux, sociopolitiques, socioculturels en Algérie. On a abordé la faiblesse de ce système et comment, si vous voulez, développer une politique moderne. Donc, j'espère que ça serait un débat qui fait partie de notre vision, qui fait partie de notre rêve, dont on est en train de semer une conscience. On est en train de lancer des messages au peuple algérien, à notre valeureux peuple algérien, bien sûr, un peuple dont les shuhada l'appartient. Il ne faut pas qu'il oublie ces shuhada, ces valeureux hommes qui se sont décidés pour qu'on soit libre ou qui sont en train de combattre et de lutter. Donc tout le monde est, si vous voulez, et fait partie de ce peuple. Nous sommes part de ce peuple et on travaille pour ce pays et pour notre peuple. Voilà. أختم كلامي هذا بمجد الخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. شكر لك أخي سمير على هذا الوقت، وطبعا في لقاء آخر إن شاء الله. وأتمنى من الأصدقاء يعني سواء على صفحتي اللي راهم يتبعوا فيها في الصفحة تاعي ما شاء الله راهم كاينين كثير، أن يهتموا طبعا إذا كان لهم اهتمام طبعا فيما أقوله، أن يتصلوا بنا على إذاعة التغيير في وقت بثها، وهذا كل يوم الأربعاء التوقيت سوف يحدده الأخ سمير وهو مشرف على هذه الساعة العاشرة الساعة العاشرة ليلا كل يوم أربعاء إن شاء الله. إن شاء الله. فتحية لك وتحية لك كل الساهرين والمستمعين، وفقنا الله إلى ما هو فيه خير للبلاد والعباد، ودمتم في رعاية الله وحده. Merci beaucoup, Khoya. Merci, Laïaounek. Et merci à tous les auditeurs d'avoir été là à notre écoute ce soir. C'est la fin de l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission Heavy sur le site du CCD, et on va essayer de la partager sur nos pages Facebook. Donc, sur le site du CCD, ccdalgérie.org. Si les gens ils veulent venir, marhaba bikoum. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi inshallah à 22h, sa'a al-ashra laylan. Et à très bientôt. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Ma'a al-salama li al-sa'ida akhi Samir. Merci.